Ce qui est intéressant, c'est que la femme, heureusement que ça commence, la femme commence à sortir de son trou. Il va venir un jour où la femme va être socialement parlant égale à l'homme. Parce que la femme, c'est quoi? C'est un esprit d'un corps femelle, comme un homme, c'est un esprit d'un corps mort. Aujourd'hui, avec notre ancienne psychologie, on ne le réalise pas encore, mais là, ça commence. Ça commence parce que l'ancienne psychologie, elle devient un petit peu plus évoluée. Fait que la femme a plus de chance. Mais, quelle que soit la situation, la femme aujourd'hui, même avec les changements sociaux, n'a pas la facilité de vivre sa vie comme l'homme. À moins qu'elle soit bien, bien forte, puis bien vite sur ses patins, puis bien indépendante psychologiquement, puis bien indépendante émotivement. Je donnais l'exemple de fois de la fameuse fille aux États-Unis là, qui travaillait pour une multinationale. Là. Belle femme, elle avait toutes les qualités là, possibles pour une femme, physiquement, mentalement. Puis là, elle se promenait en avion avec le vice-président de la compagnie. Là, ça commençait à faire de la tête. Puis les gens parlent, ça se promenait en avion, donc je fais avec. Ça commence sans le monde. Finalement, la fille, elle est obligée d'être démise de son poste. Pas un cadeau. Fait que la femme n'a pas, ça s'en vient, mais la femme n'a pas encore le pouvoir social de l'homme. Puis d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Que la femme se socialise, puis que la femme développe une égalité sociale avec l'homme, c'est très bon. Mais que la femme essaye d'être comme l'homme, de remplir des jobs d'homme, parce qu'elle se dit que je suis aussi intelligente que le gars, dans certains secteurs, ça peut se faire, mais ça se fait pas dans tous les secteurs. La femme n'est pas constituée comme l'homme. Sa fonction de vie est différente de l'homme. C'est un déséquilibre. L'homme et la femme, présentement, vivent un déséquilibre. Il va venir un jour où ça va se rééquilibrer, cette affaire-là. La femme va trouver son trou, puis le gars va avoir son trou. Mais en attendant, les femmes, c'est pour ça qu'il y a des mouvements de libération. C'est ça, pour commencer, parce que le karma contre les femmes est extrêmement lourd. Quand une fille qui est grande comme elle, chose, puis qui a un caractère comme elle, le gars, il vient de prendre son trou. Et quand t'as des petites filles maigrichonnes, puis fines, puis bonnes, puis bonasses, puis en amour, je te jure qu'ils ont pas d'outils. Ils n'ont pas d'outils. Elles ne se feraient jamais marcher sur la tête. Parce qu'elles mentent. Mais les femmes ne sont pas toutes mentales. Même. Il y aura un temps où les femmes sont très mentales. Mais maintenant, je pense que c'est la libération est vraiment mentale. La libération devrait être mentale. Elle devrait être mentale. Et spirituelle. Il y a beaucoup de femmes qui se laissent influencer par ça. Moi, je connais des gens à Sainte-Thérèse. Une femme est mariée depuis des années. Là. Elle a mis au monde des enfants, elle les a bien élevés, petit. Tout d'un coup, la voisine, elle commence à lui dire, tu viens pas au meeting, les meetings des femmes. Là, ça a commencé à chicoter. Là, c'était rendu qu'elle a décidé d'y aller. Ou c'est toi qui est arrivé chez eux. Hey, là, toi, tu vas laver la vaisselle, puis moi, je me repose ce soir. Mais là, tu vas se demander ce qui se passait. Puis éventuellement, ça crée des ruptures entre un homme et une femme. Faut qu'elle connaisse son trou. Mais ça, c'est une phase temporaire. Pourquoi? Parce qu'elle est illuminée temporairement par une idée qui a du bon sens socialement, mais qu'elle n'a pas compris profondément. Elle n'a pas compris? Puis d'ailleurs, dans le mouvement de libération, aujourd'hui, il y a des grands changements intérieurs. Ça commence à être un petit peu mollo, un petit peu plus mollo, un petit peu plus philosophique. Tu peux pas demander à une femme chose d'aller travailler dans le Nord, travailler en Sibérie, puis dans la boîte jusqu'aux oreilles. La femme a une résistance différente. D'abord, elle meurtrit son corps. Ah, c'est tout. C'est crash. Mais l'homme qui domine, il n'est pas beaucoup plus fin non plus. L'homme n'est pas plus intelligent. L'homme est aussi idiot. D'ailleurs, l'homme est idiot. La femme, son problème, c'est sa sensibilité. Puis l'homme, son problème, c'est son égocentrisme psychologique. L'homme, il se prend pour un autre. Parce qu'il y a des muscles. L'homme n'est pas capable de voir sa femme ou la femme comme étant un être égal à lui-même. Égal. Socialement, pas loin. Pas capable.

Là, il va asseoir et elle veut danser. Mais le gars qu'elle veut, c'est pas une harmonie totale. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait des assurances. Il faut qu'il y ait un gros char. Ça, c'est parce que c'est l'ancienne génération. Puis il pense de même. Tu peux pas. Le gars, lui, c'est la même chose. Il veut une fille qui veut pas son argent, qui veut pas son char, qui veut pas son zigue. Ils m'ont demandé de faire des cassettes pour l'âge d'or. Je n'ai fait une un soir. Ah, c'est pas comme ça. D'abord, j'ai mis une petite toune de musique au début. Puis ensuite, j'ai jasé. Puis ensuite, j'ai mis une petite toune enfin. Puis moi, quand je fais des cassettes, je les réécoute jamais. Cassette finale. Si j'ai le malheur de la réécouter, là, je trouve tout ça de défaut. Là, celle-là, j'ai eu le malheur de la réécouter. Je l'ai démagnétisé parce qu'elle n'était pas à point. Mais probablement qu'ils vont m'en faire faire pour les vieux, les gens à 70, 75 ans, 60 ans. Puis si je le fais, ça va être très intéressant. Je ne parlerai pas de ce que je parle avec vous autres. On va parler de la psychologie ancienne, mais essayer de donner un petit peu de... Mais... Ces gens-là sont prisonniers de ça, puis il y a une grande, un grand pourcentage de la population qui ont besoin de comprendre certaines choses. Ça implique tellement de, ça implique tellement de, d'énergie. Je ne sais même pas si je vais le faire. Ils ne veulent pas me le dire quand je le demande. Peut-être qu'ils vont le faire, peut-être que je ne le ferai pas. Ils me disent tout le temps, attends, tu verras. Parce que si je rentre là-dedans, il faut que je fasse ce que je fais là avant. Il se dit qu'à 90, quand on va avoir un couple de femmes seules, c'est plus dans l'ordre que les deux et quelques cours. Ça va se reformer après. Il va y avoir un changement après. Après l'an 2000, il va y avoir un changement. Ça va tout se retasser. Mais on est dans une période de grande transformation, puis les gens, ça, c'est plein de gens seuls. Il n'y a pas de raison qu'une personne soit seule dans la vie, qu'elle ait les yeux croches ou le nez croche. Il n'y a pas de raison, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a un nez croche aussi. Mais les gens ne se laissent pas guider par vibration, fait qu'ils ne trouvent pas l'autre nez croche. Il n'y a plus de femmes que d'hommes. Quoi? Il n'y a plus de femmes que d'hommes. Il dit que ça, c'est sur le plan des probabilités, mais sur le plan individuel, il y a toujours un torchon qui trouve sa gueule. Ah oui, ça, c'est la probabilité. Lunch. On adapte à toi pour passer. C'est comme elle, on aime parler d'elle. C'est pas un cadeau, ta femme. Elle est un cadeau aujourd'hui. Quand je l'ai rencontrée, c'était pas un cadeau. Grande sensibilité. Faut la tasser ça, cette affaire-là, cette énergie-là. Et elle, elle sortait pas avec Joe Blue. Quand elle sortait, c'était des médecins, monsieur. Des avocats, puis des juges. Elle avait du goût. Tu sais, c'est affaire crochable, cette affaire-là. Mais quand elle a commencé à s'aligner avec ses corps, moi, je le savais, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai dit, je le voyais à connexion entre lui et elle. Mais je pouvais pas lui dire tout de suite, elle a dit, t'es malade. Fait que lui, il se tournait, puis elle se tournait, un jour, ils se sont rencontrés. Ça a fait ça. Pour aujourd'hui, c'est un couple totalement uni. Mais dans la nouvelle psychologie, pas dans l'ancienne. L'autre, il fait partie de 1920, puis elle est en 1975. Mais dans l'esprit, ils sont tout de suite en même temps. Elle a un mari extraordinaire. Puis lui, une femme extraordinaire. Mais dans la nouvelle psychologie, dans la conscience. Mais dans l'ancienne psychologie, ça serait jamais rencontré. Comment il aurait été voisin à côté? Hein? Pas que la chicane de la compagnie, il ne serait même pas parlé. Et... Il était au bout de son mari. Fantastique. Mais quand ils ont eu de vibrations, qu'ils ont senti de vibrations, là qu'ils se sont rencontrés, c'est par la vibration qu'ils ont été amenés ensemble, pas par la psychologie. Parce que leur personnalité était trop différente. Et bon, Gabi, après. Oh.